بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب أخذنا ماذا في الدرس الماضي نعم ما هي لا يقول باب لا يقول عبدي وأمتي وأمتي وأمتي contradiction de dire mon serviteur dans le sens arabe contradiction et لماذا؟ يعني في اللوف رسموا ألفاظ كي رفين دي droit d'Allah سبحانه وتعالى نعم طيب لكن ماذا يقال؟ on dit quoi alors؟ غلام أو غلامي أيوة أو فتائي فتائي وفتاتي نعم طيب ثم باب لا يرد على لا يرد ما يرد من سأل بالله نعم on ne rejette pas quelqu'un qui demande par Allah au nom d'Allah par rapport à si il demande par Allah c'est interdit mais par Allah est-ce que c'est wajib est-ce que c'est wajib de ne pas rejeter quelqu'un qui demande au nom d'Allah Si demain quelqu'un dit Billah Kaza et toi tu dis non, tu lui donnes pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est haram sur toi? Là, c'est pas haram sur toi. Tout comme lui, il est makrouh pour lui de faire cela. Makrouh qui vient te voir, qui te demande par Allah. Ça devient haram en quelles circonstances? Iza sa'alaka haqqan la. Si tu demandes un droit qui lui revient. La na'am. ثم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة انا لقيت ان فيت صحيح في كده سي يجوز ان فيت لا يسأل بمعنى لا يسأل بوجه الله إلا شيء عظيم نعم Par contre, on ne demande pas un makhluq de Wajhillah. On demande au Khaliq. Taïb. Nakhouz al-bab al-lazi ba'da. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Babun. Ma ja'a fi al-law. Ma ja'a fi al-law. Ce qui est venu à propos du terme law qui est traduit par si en français. Et là, quand on dit al-law, le al, c'est comme al الرجل المسجد البيت pour dire elle c'est à dire le low précision comme on le dit souvent ce low en arabe se traduit par si et ce n'est pas tout si en français qui prend ce jugement car en arabe on peut dire si par différents autres termes bi iza salanta kul iza fa'alta kaza فعلت كذا si tu fais telle chose je ferai telle chose او تا ان حرف شرط ان تفعل كذا افعل كذا si tu fais ça je fais ça aussi ces حروف là ne rentrent pas dans ce jugement là on parle de لو et لو c'est un حرف يسمى بحرف الامتناع الامتناع ça s'appelle comme ça حرف امتناع امتناع c'est à dire son ضابط si ce qui vient après لو en fait est une négation cela implique une affirmation ou le contraire C'est-à-dire, tu dis لو جئت ما قمت لو جئت ما قمت Si tu étais venu, je ne me serais pas levé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas venu et que je ne me suis pas levé. Et que je me suis levé après. Donc ce qui vient après, son apparent a un sens contraire. Si ce qui vient après لو avec une forme affirmative, ça veut dire que c'est une chose négative qui n'a pas eu lieu. Et si jamais ce qui vient après en réponse est une chose négative, ça veut dire que dans la réalité, c'est une chose qui était affirmative. Amta'ala Pareil, ça c'est le dhabit de l'eau qui sera pris en langue arabe, Inch'Allah. Donc c'est l'eau-là qui est visée, ce si-là qui est visé. Si tu n'avais pas fait telle chose, Salen, moi j'aurais fait telle chose. طيب قال المؤلف اي في حكم هذه الكلمه هل تجوز او لا تجوز والمقصود انه لا ينبغي استعمالها لمغارده القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضه للقدر بكلمه لو عند موت قريب او مرض او مصيبه. Donc il dit quoi maintenant? C'est quoi le jugement d'employer ce terme-là qui est là haut? Est-ce que cela est permis ou non? Et ce qui est voulu par là, c'est qu'il ne convient pas d'employer ce terme pour pouvoir contester les choses du qadar qui ont eu lieu, qui sont liées aux choses, aux épreuves, comme la mort d'un proche, comme une maladie ou comme une épreuve, une calamité. Mais « yanbari al-muslim et taslim wa sabr ». Donc c'est là où, lorsqu'il est employé dans ce sens-là, il n'est pas accepté. Et il rentre dans ce bab-là. Ça veut dire que comme si tu te plaignais de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété. Wa qulu Allah ta'ala yaqulun law kana lana min al-amr shay'un ma kutilna ha huna. Et ils disent, là c'est à propos des munafiqoun, si on avait une part dans le décret, nous n'aurions pas été tués à ce moment-là. Vous voyez, nous n'aurions pas été tués à ce moment-là. Donc ce verset est cité en guise de quoi? De réprimande envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala zakara hadha dhamman lahum. Wa qala 'azza wa jalla fil matn alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'udu law ata'una ma qutilu. Et ceux qui ont dit à leurs frères, alors qu'ils étaient restés assis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé, si vous avez obéi, ils n'auraient pas été tués. Vous voyez ? Si vous avez obéi, ils n'auraient pas été tués. C'est-à-dire s'ils étaient restés comme nous sommes restés, ils n'auraient pas été tués. Donc là, ça revient à ce qu'on a dit au début. La yajuzu istiamaluwa inda mugharadatil qadar. Vous voyez ? Qui n'est pas permis d'utiliser ce terme-là pour contester les choses du qadar qui ont lieu par rapport à un malheur qui t'aurait touché, un mal qui t'aurait touché au relais d'Alika. Et ça, c'est le chien des munafiqin de parler comme ça. Et les choses ont eu lieu pour une hikmah baliha que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Thumma qal wa fi sahih an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ihris ala ma yanfa'uk واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان والحديث وراه مسلم سلو أبو هريرة كل مسجد الله صلى الله عليه وسلم il a dit accroche-toi à ce qui t'est utile et recherche de l'aide auprès d'Allah et ne baisse pas les bras, ne capitule pas dans le sens. Et si jamais une chose t'atteint, alors ne dis pas si j'avais fait telle et telle chose il serait passé telle et telle chose. Cependant dit, c'est le destin d'Allah et ce qu'il veut il le fait. Car le fait de dire si, c'est à dire low à ce moment là s'ouvre des portes à Shaitan, c'est à dire au wasawis. Et il y a deux façons de dire. Tu peux dire qadarullahi wa ma sha'a fa'al ou tu peux dire qadarallahu wa ma sha'a fa'al. Dans le premier, qadarullahi, ce serait un qadaru, ce serait un khabar. En fait, le takdir c'est hadha qadarullah, ça c'est le dessein d'Allah. Dans l'autre, qadarallahu, là c'est quoi? Que Allah a prédestiné cela. Le premier c'est un khabar. Qadarullahi. En fait, ça veut dire هذا قدر الله. Et l'autre, c'est قدر الله. C'est un verbe avec son fa'il, avec son sujet. Le sens est متقارب. Et le chef voit que le fait de dire قدر الله est أظهر, est plus évident, plus proche du murad. Donc là, quand il dit لو يفتح l'abd amène le shaitan, c'est-à-dire il t'amène à quoi? à tomber dans ce irtirad ala al-qadar. Tu contestes le qadar en disant l'eau. Et des waswasa. Et tu fais douter. Donc là, قال ينبغي للمؤمن ان يجتنبها. Tu t'en éloignes. Car ce sont des choses que Allah il a qadar de lui-même. لهذا كما قال الشيخ قال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. Que Allah il a dit, et donc il fait la bonne annonce aux patients, ceux qui lorsque un mal les touche ils disent certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. Cela sur eux il y a l'éloge de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبتي واخلفه خيرا منها. صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il n'a pas de serviteur qui ne soit atteint d'un mal et qui ne dise certes nous sommes Allah et c'est vrai que nous reviendrons, en disant « Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve et donne-moi meilleur qu'elle par la suite » sans que Allah ne lui accorde cela. Donc, مثلاً, demain, tu as une personne qui est malade, tu vas chez le tabib, puis la personne, elle meurt. Quelqu'un dit « Si on avait été vers un autre tabib, il ne serait pas mort. » Ça vient à quoi, ça ? À contester le destin. Contester le destin. Une chose qu'il a eue, qui ne lui a pas plu. Donc, quelqu'un qui dit « qu'à مثلاً, un accident de la route et il dit مثلاً, si je n'ai pas pris telle voiture il ne serait pas arrivé telle chose. J'ai pris telle voiture, j'aurais pris celle-ci, ce ne serait pas arrivé مثلاً. Donc là c'est interdit dans ce qui est de contester le destin dans une épreuve qui te sera touchée. Maintenant, cela peut être permis pour une chose qui aurait été meilleure. Quelqu'un qui a dit, مثلاً, une erreur dans un ders. مدرس يسأله ثم يجيب بخطأ. Il répond avec une erreur. Il lui dit, لو راجعت درسك لأجبت بجواب صواب إن شاء الله. Si tu aurais révisé ton cours, tu aurais répondu une bonne réponse. Là, c'est pourquoi Beb irshad ilama wa afdal, chose qui est meilleure. Comme ça à l'avenir tu fais attention et tu le fais. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yakum bil-layl. Quelle bonne personne qui est Abdullah si seulement il se levait la nuit. Pour dire quoi? Lève-toi la nuit à l'avenir. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé le terme, ou même le sahabi, j'oublie c'est lequel, qui disait au nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il lui a dit j'ai entendu que tu faisais salat la nuit. Il a dit « لو علمت أنك تسمعني لحسنت صوتي أحسن. » Si jamais j'avais su que tu m'écoutais, j'aurais encore plus embelli ma voix. Je crois que c'est Abu Moussa. Non, Moussa, j'ai un doute. Donc il n'a pas dit « La takul law ». C'est pour dire quoi en fait? Une chose qui aurait été meilleure. Je ne l'ai pas su. Mais maintenant, je ferai attention par rapport à ça. Donc là, dans ce bébé-là, il n'y a pas de mal. Quelqu'un lui arrivait une chose, après avoir été conseillé, il n'a pas écouté le conseil. Il dit l'eau, c'est un mertan nasiha, la janabta hada, inshaAllah. Et quelqu'un a fait une chose, on lui a dit, je ne sais pas, moi, Mathalan, il a voulu se marier avec une femme. Il avait trop d'alamat seïa, mauvaise. On lui dit, Ari, je ne te conseille pas cette femme-là, kaza et kaza et kaza. Elle a tel et tel signe. Et un jour, il se passe qu'il se marie avec elle, il tombe dans le farcha. Et là, il est triste. On lui a dit, Ari, on t'a fait une nasiha, si tu as écouté une nasiha, t'as aimé. Ce fait-là, là, tu ne serais peut-être pas arrivé avec elle comme ça. Là, c'est pas un irtirad. Là, c'est une chose qu'on lui a dit. Il a été conseillé, il n'a pas voulu écouter. Lorsqu'il est pour une chose qui est meilleure. Pour prendre Ibra. Mais ça, tu dis, l'eau, araftu nakamari, la zurtuk. Si j'avais su que tu avais été malade, je t'aurais visité, مثلاً. Là, c'est pas irtirad al-qadar. C'est pas une plainte ou quoi. C'est juste, j'ai perdu l'occasion de faire un bien. Dans ce bab-là, la abaisse abé. Donc, ce n'est pas dans l'absolu que l'eau c'est interdit lorsque ça conteste une chose qui t'est arrivée, un mal, et tu t'en plains. Et ça, c'est le gène des munafiqin. طيب on prend les masail mutaallaqa bi hadha al-bab. قال تفسير الايتين في ال عمران. Le tafsir des deux versets de Al Imran. الثانيه النهي صريح ان قول لو اذا اصابك شيء. Le fait qu'il est clairement interdit de dire si lorsqu'une chose t'atteint, un mal t'atteint. Et ce mal t'atteint, bien évidemment, tu n'as fait aucune cause pour que cela t'arrive. Maintenant, tu aurais fait des causes pour que ce mal t'arrive. Il t'a été conseillé, quelqu'un peut te dire là ou kaza ou kaza. Quelqu'un, il l'a bu, on le dit arrête taqilla, la tashrib al khamr. Et après, tu prends la voiture. Il n'écoute pas, il boit de l'alcool, prend sa voiture, bada hada, hadith. Accident. On lui dit, on t'a conseillé, si t'avais écouté la nasiha, peut-être que ça aurait évité cela. Maintenant, ça se trouve là, il aurait conduit que tu aurais un accident. Mais toi, tu as fait une cause qui fait que maintenant, ton accident est bâti sur quoi? Cette cause-là que tu as bu, tu as mal conduit, tu as fait un accident. Là, c'est autre chose. Maintenant, il t'est arrivé une moussiba. Comme on l'a expliqué, quelqu'un il est malade, il est parti voir un tabib, après il est mort de cette maladie. On dit, si j'avais été voir l'autre tabib, il ne serait pas mort. Ça, non. على طول في هذا الباب تماما. قال الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. C'est quoi la cause de la masala? C'est que cela ouvre une porte à Shaitan pour les wasawis et t'amener à contester le destin. الرابعة الإرشاد لكلام الحسن qui l'indique d'avoir une bonne parole. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفعه على ما ينفع مع استعانة بالله. Qu'il faut s'accrocher aux choses qui nous sont profitables tout en recherchant de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sadisa annahi an dhalika wa huwa al-ajz, et qu'il est interdit d'agir en l'opposé, c'est-à-dire de capituler dans une chose qui t'est bénéfique. Continue istamir. Maintenant, est-ce que c'est haram ou pas haram? Ça dépend de ce que tu fais. C'est bien une chose qui t'est wajib, que tu as abandonné en cours, naam. Maintenant, c'est une chose mustahab, tu connais, on a pris les ahkam par rapport à ça. بعد هذا قال المؤلف باب النهي عن سب الريح. L'interdiction d'insulter le vent. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وقد حن في التوحيد نبه المؤلف ورا ذلك ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه والإيمان يزيد وينقص والتوحيد يزيد وينقص والسبب الريح ينقص الإيمان لأن الريح مخلوق مدبر يرسل بالخير والشر فلا يصاب الريح بل يعمل المؤمن بما أمره الله أو بما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. Pourquoi? Car le fait d'insulter le vent ou autre parmi les makhloukot, cela est une chose qui a un manque dans l'iman. Et une offense au tawhid. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence cela pour enseigner aux mu'mines que toute forme de ma'asi réduise le tawhid et réduise de la foi et l'affaiblisse. Vous voyez, le tawhid comme l'iman augmente et se réduise avec les actes. Et que le rih, le vent, est une créature qui a été envoyée par Allah, qui est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient avec un khayl et qui peut apporter aussi un char. Donc là, ce hadith ou ce hukm, il est âme. Toute chose, ça revient comme le fait d'insulter le temps. Adam uradif. Toute chose, créature, qui est sous le contrôle d'Allah, tam, c'est-à-dire qui ne fait pas les choses de elle-même, comme مثلاً, la mer, le vent, le temps, le climat, ce genre de choses, il n'y a pas à les insulter. C'est Allah SWT qui a décrété cela. Donc insulter cela revient à insulter ce que Allah SWT a décrété. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وهذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي وكذلك الألباني. Donc selon Ubay ibn Ka'b, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'insultez pas le vent. Mais si jamais vous voyez ce qui vous déplaît, alors dites, ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent et le bien qu'elle contient. Et le bien pour lequel elle a été, ou plutôt il, parce qu'en arabe, rih, c'est féminin. Et le bien pour lequel il a été ordonné, pour lequel tu l'as envoyé. Et nous cherchons refuge auprès de toi du mal de ce vent et du mal qu'il contient et du mal pour lequel il a été envoyé. قال فهذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح أن يجعلها رياحا ولا ريحا. نعم عفوا قبل هذا جبل ستي الحديث كل الشيخ اللي ستي الدعاء كي اللهم لا تجعل ريحا واجعلها رياحا واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا كان الدعاء كي أو الله ne fait pas de ce vent, n'en fait pas un vent, un seul vent destructeur, mais faisant plusieurs vents. Et faisant une miséricorde, n'en fait pas un châtiment. C'est cela qui est légiféré pour le mu'min. Parce que le vent vient, qui demande que Allah subhanahu wa ta'ala le disperse en face différents vents, c'est-à-dire plus doux et qui amène un bien. Un seul vent fort et kawi et intense amène à quoi ? Destruction et des dégâts. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a détruit des peuples antérieurs, comme le peuple de Houd, alayhi salam. كما قال عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات parmi ces signes qu'il envoie les vents comme bonne annonce. Les vents, الرياح. الرياح c'est le jam de ريح. Donc cela fait partie du quoi? De la perfection du tawhid et de la foi. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas l'insulter. طيب نأخذ المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأولى النهي عن سب الريح كي الآن تعدي نسلت لفن الثانية الإرشاد إلى كلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره كي الانديكي كل بون بارول برونسي لسك لا personne voit une chose qui lui déplaît ou le dit une mauvaise parole il te dit quoi dire comme chose qui soit profitable pour toi. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة كي الانديكي que le vent n'est venu que par ordre d'Allah, le vent ne fait pas les choses de lui-même. الرابعة أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. Qu'il se peut que le vent soit ordonné d'apporter un bien ou d'apporter un mal. Et quand on dit un mal, on expliquait, c'est nisbi, c'est relatif. C'est-à-dire un mal peut-être pour que tu sois châtié toi. Comme ce fut le cas des peuples antérieurs qui ont désobéi à leur messager. Mais pour nous, pour d'autres, c'est un khayr, car c'est une expérience, ou plutôt une ibra pour eux, qui prennent conscience de ce qui arrive aux gens qui ont fait du mal. Donc vous, faites attention, ne faites pas comme eux, pour ne pas être atteints par ce quoi ils ont été atteints. Et pour montrer également la quwa d'Allah par rapport à sa créature. Que lorsque tu lui désobéis et qu'il te menace d'un châtiment, qu'il applique son châtiment. Naam. Fa'aqadna hadha li bayni al-yawm.